allongé sur son lit, face au mur où Brando jouait encore les beaux. Elle se promet de ne plus jamais rêver. Fin de l'adolescence, elle est devenue grande, juste un peu mais assez, pour faire une valise. Sa décision est prise, même si c'est bien loin l'Amérique, partir c'est l'approcher. Il y a bien une Californie, quelque part où aller. Et tant pis s'il n'y a pas d'Amérique, tout mène pas rester. Mais elle est trop fière pour mentir. Même à elle seule, oui, elle est trop jeune pour partir. À la télé pour débarrasser les couverts, le dessert qu'ils n'ont pas touché. Ses parents ne sont plus rien que des étrangers, ils ont oublié qu'ils se sont tant aimés. La vie les a doublés. Si c'est bien loin l'Amérique, partir c'est l'approcher. Elle n'est pas là la carte.